l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Hurler son désespoir les bras levés contre un rideau de douche grand comme un panneau publicitaire d'autoroute, sautiller à 25 pendant 10 minutes en débitant des onomatopées qui miment la folie collective, brailler sa jalousie comme si le destin de la civilisation tout entière était en train de sombrer définitivement, les scènes d'opéra accueillent des exagérations si grandes, si démesurées, que les avis tranchants du public excédé ne sont pas mal non plus en matière d'emphase ou de gonflements excessifs. Certes, de nombreux clichés courent sur l'opéra et viennent en donner une vision déformée, elle-même très exagérée, mais il y a une réalité opératique qui semble faire commerce avec ces exagérations et qui mérite qu'on y revienne sans céder aux fausses évidences appelées par les contre-vérités. Dans ce numéro de Métaclassique, on va donc tenter de rentrer dans les artifices de l'opéra tout en essayant de se protéger de ce que cet exercice d'incrédulité convoque si souvent de désillusions complètes, désabusées, en un mot, conformistes. Pour ce faire, nous recevons un passionné d'opéra dont l'incrédulité n'ôte rien à la passion, Christophe Rizou, qui est l'auteur, aux nouvelles éditions Via Appia, de 100 mots de l'opéra, des mots M-A-U-X, parce qu'il n'est donc peut-être pas impossible de s'en remettre. Christophe Rizou, une ouverture, ce n'est pas encore un opéra ? Je voulais en venir parce que effectivement, dans mes 100 mots, il y a l'ouverture. Et en fait, c'est comme beaucoup de ces mots que je présente, c'est un sujet qui se discute. D'ailleurs, c'est pour traiter ce mot-là, ce mal-là, j'ai utilisé la discussion, le format de la discussion, parce qu'il y a des gens qui effectivement éprouvent le besoin d'avoir ce grand passage symphonique pour commencer à s'immerger dans la musique, dans le drame qui va être présenté. Et puis il y en a d'autres, comme moi, je l'avoue, qui veulent tout de suite de la voix, tout de suite de l'action, et parfois l'ouverture, je la sauterai allègrement. Au point de la qualifier de portique instrumental. Oui, oui, c'est vrai. C'est donc une espèce de sas qu'il faut passer et qui est aussi ennuyeux qu'un sas, à vos oreilles. Certains, alors déjà, ça dépend des ouvertures, parce qu'évidemment, il y a des ouvertures qui sont magnifiques, très inspirées, et qui sont tellement magnifiques qu'on les enregistre à part sur des disques, etc., ou on les joue en concert à part. Après, il y a des ouvertures qui sont un peu du remplissage, il y a des ouvertures pot pourri, mais finalement, quand vous terminez une représentation, alors non, quand je termine une représentation d'opéra et que j'analyse ce que j'ai aimé, ce qui m'a beaucoup plu, c'est rarement l'ouverture. Dans ces 100 mots, il n'y a qu'un seul compositeur, à croire donc qu'il n'y en a pas d'autres qui nuisent au genre, et ce compositeur, c'est Wagner. Oui. Alors, il y a un seul compositeur, il y a plusieurs œuvres qui ne sont pas, d'ailleurs pas de Wagner, il y a, je crois de mémoire, il y a deux œuvres. Donc, si on élargit un peu, derrière l'œuvre, il y a le compositeur. Mais c'est vrai que Wagner, pourquoi Wagner, que j'aime beaucoup par ailleurs, hein, mais qui aime bien, châtie bien, parce que Wagner, en fait, il a vraiment infléchi l'histoire de l'art lyrique. C'est-à-dire, il y a un avant, alors il y a un avant Gluck, il y a un après Gluck, mais il y a encore plus un avant Wagner, un après Wagner, de même qu'il y a un avant Verdi, après Verdi. Mais Wagner, lui, non seulement il influe sur le style musical, il est sur l'écriture musicale, mais il influe aussi sur le rite musical, le rite de l'opéra. Et donc c'est surtout à ce titre-là qu'il est épinglé ici dans l'ouvrage. Vous dites carrément, avant Wagner, l'opéra était une fête, désormais c'est une messe. C'est vrai. C'est vrai parce que Wagner a introduit tout un tas de rites. Alors déjà, il a enfoui l'orchestre dans la fosse, il a demandé l'obscurité, il a demandé de ne pas applaudir. Bon, c'est tout un tas de choses qui invitent au recueillement, et c'est c'est pas forcément un mal, mais malgré tout, c'est moins réjouissant qu'avant, lorsqu'on mangeait des sorbets à l'entracte, lorsqu'on discutait, on applaudissait, on faisait du charivari, voilà, c'est autre chose. Donc l'écoute est recueillie depuis 1876, la date du premier festival de Bayreuth organisé par Wagner. Alors, je n'étais pas accordé à cette époque, ça serait très... J'aimerais, comme beaucoup d'amateurs d'art lyrique, j'aimerais être voyager dans le temps, ne serait-ce que pour voir à quoi ressemblait une représentation d'opéra en 1860, en 1870, dans différents endroits, et puis écouter des voix qui sont des voix mythiques, mais qu'on n'a jamais pu enregistrer, puisque les techniques d'enregistrement n'existaient pas à l'époque. Donc, je ne peux pas répondre exactement, mais ce qui est sûr, c'est que Wagner a introduit tout ça, quand on lit des témoignages de représentations au 19e, et puis quand on lit le témoignage sur Bayreuth, et sur ce qu'a voulu faire Wagner avec son Festspielhaus, il y a de grandes chances pour que, après Wagner, et plus que de grandes chances, la manière de consommer l'opéra ait changé. À vous lire, Christophe Rizzo, on comprend vite, on est même soulagé pour peu de l'avoir, tant soit peu déjà ressenti, à vous lire que l'opéra est un monde dans lequel on ne peut pas circuler de manière tout à fait naturelle. On peut le formuler de façon même positive en disant que l'opéra est une excellente école pour apprendre que le naturel ne veut peut-être pas dire grand-chose. Bah, de toute façon, l'opéra, à la base, c'est pas quelque chose de naturel. Quand vous allez chez le boulanger et que vous demandez une baguette de pain, vous ne le chantez pas. Donc, à partir du moment où on part du principe que on ne dit pas les choses, on les chante, on est dans le contraire du naturel. Par extrapolation, effectivement, l'amateur d'opéra évolue dans un monde qui n'est pas naturel. Et d'ailleurs, beaucoup de rites à l'opéra ne sont pas naturels. Ne pas bouger, se taire, ne pas parler, c'est pas naturel. Alors, il y a des personnages qui sont vraiment pas naturels, ce sont par exemple les divas. Vous adressez une lettre à la diva et vous l'accusez en quelque sorte de peut-être trop jouer le jeu de ce qui serait une sorte de pipolisation. Pourquoi les paparazzi, les tabloïds auxquels vous prêtez une œillade complaisante? Pourquoi les yachts, les caniches, les grands couturiers et les lunettes de soleil? Pourquoi des amours romanesques comme si vous vouliez déplacer de la scène à la ville ces héroïnes auxquelles vous prêtez votre voix? Oui, mais la diva, tout amateur d'opéra aime la diva ou le divo. Hein. J'ai écrit une lettre à la diva, donc parce que le mythe de la diva naît avant le mythe du divo. Et puis c'est dans l'imagerie populaire, c'est la diva prend le féminin prend le pas sur le masculin. Mais pour l'amateur d'opéra, effectivement, la diva, c'est une déesse, ou le divo, c'est un dieu. Donc, mais en revanche, ceux qui ne sont pas croyants, ils jettent sur tout ça un regard un peu circonspect et ils trouvent finalement que c'est très tapageur et que c'est très boursouflé et que c'est très outré et à l'image de l'opéra. Donc c'est là où cette diva, parfois, par une assimilation un peu rapide, peut nuire à l'image de l'opéra. Il y a un endroit cependant où la diva est assez peu obéissante au code de la pipilisation, c'est dans la sculpture de son corps, puisque vous dites qu'elle supporte assez bien l'embonpoint, voire elle en a systématiquement. Alors oui, ça c'est une vaste discussion qui a un peu animé, c'est un débat qui a animé un peu toute la fin du XXe siècle et puis encore aujourd'hui avec Callas. C'est Callas qui a remodelé le corps des divas, puisqu'on connaît tous l'histoire de Callas qui au début de sa carrière était très très forte, à tel point que je crois que c'est Bing ou quelqu'un, le directeur de New York en tout cas, qui avait dit qu'il voulait pas d'un éléphant pour chanter sur scène en parlant dans Madame Butterfly, en parlant de Callas. Et puis qui a fait ce régime spectaculaire et qu'on a vu un jour arriver sur scène sculpturale parce qu'elle voulait à tout prix ressembler aux héroïnes qu'elle interprétait sur scène. Donc là-dessus, de plus en plus, les chanteurs essayent de ressembler aux héros, ou en tout cas essayent de, et puis même par extension avec l'avènement du marketing, essayent même d'être carrément des top modèles, hein, chanteurs et chanteuses. Tout ça pour en venir à quoi ? Parfois, et c'est pas moi qui le dis, c'est, je cite Kirite Kanavoy, qui disait, ben oui, mais pour chanter, ça demande quand même un engagement physique, ça demande une puissance, et cette puissance, il vaut mieux avoir quelques réserves, un peu de calories, pour l'avoir. Et c'est facile à comprendre, parce que je sais, enfin j'imagine comme tout le monde, vous avez parfois des hausses et des baisses de poids, et c'est vrai qu'on est un peu trop mince, alors on se sent très bien, parce qu'on peut se promener sur la plage en maillot de bain, mais on a moins de résistance physique, on a moins de force. Yeah. Pourquoi est-ce que Christophe Rizou, il vous paraît tellement alors absurde de déguiser une Traviata en Marilyn? Parce que Marilyn ne peut pas être une diva. Si, si, si. Non, mais là, c'est justement tout le... ce qui est absurde, c'est l'excès. Marilyn, si je la fais apparaître dans le bouquin, c'est à plusieurs titres. Le premier titre, c'est qu'en fait, Marilyn, elle sonne le glas de la diva. C'est-à-dire que, c'est ce que j'explique, Marilyn, donc c'est une star de cinéma. Au début, le cinéma a emprunté beaucoup de ses codes à l'opéra, ne serait-ce que les salles, l'organisation des salles, la couleur des fauteuils, la musique qui était présente aussi. On retrouve même l'ouverture avec la petite bande-annonce. Voilà, tous ces codes de l'opéra, le cinéma les a intégrés et ça a contribué à sa popularité. Il fallait, et donc du coup là-dessus la star de cinéma a aussi, je pense, pris beaucoup de choses à la diva. Et puis par un retour des choses, quand le cinéma est devenu plus populaire, la diva à son tour s'est inspirée de la star de cinéma. On parlait de Callas, c'est celui connu, je crois, même elle-même l'a dit, elle s'est inspirée pour remodeler sa silhouette et remodeler son look d'Audrey Hepburn. Et puis arrive Marilyn, qui est une star de cinéma pas comme les autres, parce qu'avec Marilyn, la star de cinéma devient sexy. Marilyn, elle a un sexe à pile fou, et là, les divas, elles vont pas réussir à suivre. Et donc, en ce sens-là, avant, les divas pouvaient rivaliser avec les stars de cinéma, mais après, avec Marilyn, elles peuvent plus rivaliser. Donc, c'est vraiment, il y a un avant et après Marilyn par rapport à ce mythe de la diva, parce que bon, on joue plus dans la même cour. Et puis du coup, cette Marilyn qui est comme ça un mythe, l'opéra s'en est emparé aussi dans ses mises en scène, parce que c'est vrai que pour expliquer l'attraction fatale de Carmen ou l'attraction fatale d'une autre manière de Traviata, eh ben, en montrant au public Marilyn, tout de suite le public comprend ce qu'on veut dire, et puis comme ça est à plus à même, pour le metteur en scène, je pense, de rentrer dans la pièce. Comme vos 100 mots MAUX sont classés dans l'ordre alphabétique, après Marilyn vient marketing. Et là, on comprend qu'il n'y a pas que les femmes qui doivent se modeler à certaines lois d'apparence sévères. Il y a aussi les hommes, vous parlez des ténors de charme, mais aussi des Barry Hanks, les barytons bodybuildés. Là, il y a quelque chose que je ne m'explique pas, parce que vous parlez de tout ça dans un développement qui semble dire que les belles inventions du marketing sont quand même plutôt bonnes pour les supermarchés, ne devraient pas avoir grand-chose à faire en matière d'opéra, sauf que vous avez vous-même consacré un mémoire à l'opéra et au manager dans le cadre d'un MBA à l'EDEC. Qu'est-ce que vous disiez à l'époque ? Mais en fait, mon mémoire avait peu à voir avec le marketing. Je parlais plus de management et du manager. Et donc, la réflexion de mon mémoire, c'était de se dire, si je suis manager et que j'aime l'opéra, est-ce que ça m'apporte quelque chose en tant que manager ? Et donc, en fait, ma réflexion a été de partir de cela et de voir... Le plus que pouvait apporter l'opéra à un manager dans l'application de son métier de tous les jours, c'est-à-dire manager. Sur le marketing, en fait, on le retrouve plus aujourd'hui au niveau du disque, par exemple. À savoir qu'il y a tout un tas de vedettes qui enregistrent, qui sont mises en avant par des maisons de disques, plus pour leur physique, et on va retrouver aussi l'histoire de l'embonpoint, là, mais plus pour leur physique, qui sont des physiques de top modèle, que pour leur voix. Voilà, je ne vais pas citer de nom, mais on en a tous en tête. Et c'est vrai d'ailleurs aussi pour les hommes, et il suffit de voir, même quand on n'est pas un premier prix de beauté, qu'on soit homme ou femme, voir comment aujourd'hui, tout d'un coup, on est maquillé, on est arrangé, on est habillé, de telle manière qu'on devient un produit attractif, c'est aussi assez intéressant à voir. Est-ce que cette culture du strass n'est pas déjà un peu inscrite dans les ouvrages quand on étire les tessitures, que l'on fait venir les divas dans des registres extrêmement aigus, mais les ténors aussi, de ce point de vue, vous décrivez la course à l'aigu comme une course à la lumière. Oui, alors l'aigu, c'est autre chose. L'aigu, en fait, c'est un peu... Enfin, c'est une chose que j'ai constatée, c'est que l'oreille humaine, naturellement, est attirée par l'aigu. Et d'ailleurs, c'est pas la peine de rester dans le monde de l'opéra. Si vous regardez dans le monde de la pop, qu'on connaît, enfin, qu'un grand nombre connaît mieux, des chanteurs comme Michael Jackson, des chanteurs comme Robert Smith des Cure, et puis il y en a plein d'autres, George Michael aussi, je pense, utilisent une espèce de voix de fossé pour chanter leur chanson, et ça contribue à leur succès. Donc cette attraction de l'oreille pour l'aigu, ben, elle trouve toute sa place aussi à l'opéra, où la voix est très sollicitée dans les notes les plus hautes, dans les notes les plus graves aussi, mais c'est les notes les plus hautes que l'on guette, que l'on attend et dont on parle à l'entracte. On peut aussi parler des couacs à l'entracte. Oui, ah bah bien sûr. Mais souvent, justement, ces notes les plus hautes, c'est des notes exposées. Donc, c'est là où il y a le plus de risques de couac. Et ça, le couac, c'est quelque chose qui est terrible parce que tout le monde peut faire un faux pas. L'erreur est humaine. Sauf qu'un couac, c'est une tache d'infamie qui reste sur un chanteur, qui peut rester sur un chanteur toute sa carrière. Et alors, on a même un air dans les contes d'Hoffmann d'Offenbach qui célèbre le couac en quelque sorte. Oui, alors, en fait, j'ai pas voulu que ce livre soit un livre sérieux. Déjà, parler des mots de l'opéra, c'est lourd, hein, parce qu'on appuie là où ça fait mal. Et quelque part, moi, je veux pas faire de mal à l'opéra. Au contraire, je lui veux beaucoup de bien. Donc, du coup, j'ai voulu que cet ouvrage soit gentiment pertinent. Et puis, pour varier les formes, il y a 100 entrées. Donc, à chaque fois, si c'est un petit texte qui sur le même format, c'est vite fastidieux à lire, j'ai voulu varier les formes. Donc je me suis amusé à faire des pastiches, effectivement pour le couac, comme le couac, ça m'a fait penser à Kleinzack, l'air de Kleinzack des contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, voilà. Je me suis amusé à réécrire les paroles là-dessus. Et là où dans les contes d'Hoffmann on entend clic, clac, voilà, voilà, Kleinzack, vous dites et crac, voilà, voilà, le couac. Es war einmal am Hofe von Eisenach. Am Hofe von Eisenach. Ein winziger Zwerg, die nannte man Kleinzack. Die nannte man Kleinzack. Auf seinem Kopf saß ein Goldback, mit den Beinen macht er. Klick-Klack, das war Kleinzack. Klick-Klack, Klick-Klack, Klick-Klack, Klick-Klack, das war Kleinzack. Pour vous, Christophe Rizou, l'opéra, quand il est filmé, quand il est même au cinéma, il est toujours trahi ? Au sens propre du terme, oui, parce que l'opéra qui est filmé, c'est plus de l'opéra. L'opéra, c'est quelque chose qui se vit en vivant, c'est du spectacle vivant, live. Et le plaisir de l'opéra réside justement dans ce côté vivant qui fait que vous ne savez pas ce qui va se passer. Il peut se passer un couac, et il peut se passer des moments d'émotion terribles, une alchimie, quelque chose qui prend, tout s'enflamme. Et ça, c'est vraiment propre au spectacle vivant. Donc le cinéma, l'opéra au cinéma, c'est pas de l'opéra, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien ou que c'est mieux, mais c'est différent, c'est autre chose. Donc moi, je les comparais pas. C'est un nouveau produit qui a été inventé en mariant, comme on pouvait, l'opéra et le cinéma. Mais pour vous, même un enregistrement phonographique, c'est déjà plus de l'opéra? Non. Enfin, là, ça me concerne moi. Je ne peux pas en faire une généralité. Autant la vidéo, l'opéra au cinéma, moi, j'ai peu d'émotions. Ce n'est pas que ça m'ennuie, mais je n'ai pas beaucoup d'émotions. Le disque, en revanche... Alors, parce qu'il n'y a pas d'image, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais le disque, lui, va me parler, va me fasciner, et je vais pouvoir écouter un disque 30, 40 fois parce que j'aime une œuvre ou parce que j'aime une interprétation, alors que je ne vais pas beaucoup moins regarder 30 ou 40 fois un extrait ou carrément tout un opéra en DVD. Donc ça, c'est mon fonctionnement à moi. Chaque lyricomane, chaque amateur d'art lyrique a son propre fonctionnement. Je ne sais pas si vous aimez l'opéra de manière... intensive, mais bon, après, vous avez sans doute vos pratiques aussi à vous. On les personnalise beaucoup, en fait, ces pratiques. On dirait même que l'opéra nous demande de spécialiser nos émotions. Bah, de toute façon, l'opéra, c'est une usine à émotions. Alors, après vous, soit vous les prenez, vous les mettez dans un coin, soit vous essayez de comprendre d'où viennent ces émotions, de les analyser. Ça aussi, c'est un travail personnel que chacun peut faire ou non. Alors, vous, sur les enregistrements, allez jusqu'à faire une espèce de hiérarchie dans un dialogue imaginaire à propos des enregistrements pirates, où l'un des intervenants dit « Je conçois tes réticences sur le disque mis en conserve, comme tu dis, en parlant de la perfection inerte de l'enregistrement studio, mais le pirate, c'est la vie, c'est le spectacle vivant sans filtre dans son jus émotionnel, c'est l'opéra. » C'est le bonheur. C'est-à-dire que le mauvais enregistrement, celui qui serait fait à l'arrache avec un téléphone portable, serait forcément plus dans la vie. Alors, dans ces dialogues imaginaires, je suis toujours quelqu'un. J'ai évidemment un parti, moi, mais je ne souhaite pas l'exprimer, je ne souhaite pas prendre parti parce que y a beaucoup de choses qui se discutent et il n'y a pas une personne qui a raison ou une autre qui a tort. Donc, dans ce dialogue imaginaire sur l'enregistrement, effectivement, j'étais plutôt du côté de celui qui trouve un plaisir coupable à écouter des pirates. Et c'est vrai que, en fait, pour moi, là encore une fois, ce n'est pas une généralité, ça stimule énormément l'imagination d'entendre la rumeur, le bruit de la foule, d'entendre même la voix du souffleur. Hein. On a l'impression d'être dedans, enfin on aimerait tellement être dedans, et puis survient le moment, la note qu'on attend ou l'air qu'on attend, et le fait comme ça de le vivre live dans ces conditions-là, je trouve ça plus excitant que le studio. Il y a des accents un peu catastrophistes parfois dans vos 100 mots de l'opéra, parce que vous annoncez que l'opéra est un genre potentiellement mort, faute de combattants sur scène et dans la salle. Oui, ça c'est ce qu'on entend souvent dire. En fait, je m'amuse parfois à exacerber certains clichés pour mieux les combattre. Et effectivement... Il y a tout un tas de personnes qui n'aiment pas l'opéra, c'est leur droit, et ils ont une vision de l'opéra qui est que c'est quelque chose pour les vieux, et qu'en en fait, même, il n'y a plus d'opéra créé aujourd'hui et très peu représenté, ce qui, en fait, est un peu faux. Donc, c'est ce que je démontre ensuite. Et d'ailleurs, à ce propos de l'âge des spectateurs dans la salle, je crois que c'est une maison d'opéra qui, un jour, a fait des statistiques et s'est rendu compte avec... une certaine horreur, que l'âge moyen de son public était 72 ans. Et donc, du coup, ils se sont dit, à ce train-là, dans 10 ans, il n'y aura plus personne dans la salle. Et 10 ans après, ils ont refait des statistiques, et l'âge du public était toujours 72 ans. Donc ça veut dire qu'ils se renouvellent autour de 70 ans. Voilà, c'est ça. Mais bon, pour tout un tas de régions sociologiques qui ont été analysées. Hein. Alors, si il y a le spectre d'un danger qui pèserait sur le genre opéra, les plus coupables pourraient être les lyricomanes eux-mêmes. Bien sûr, parce que le lyricomane, c'est une... Alors, on est tous les gens qui aiment l'opéra de manière un petit peu trop passionnée sont des lyricomanes, à commencer par moi. Et souvent, on ne se méfie pas qu'à côté de... Le lyricomane, c'est un puits de science, parce que tout simplement, il a tellement consommé de l'opéra qu'il connaît très souvent toutes les interprétations existantes d'une œuvre ou toutes les dates ou toutes les œuvres qu'a composées certains compositeurs. Donc, vu de l'extérieur, ça paraît être comme ça quelqu'un qui connaît plein de choses. Après, tout est relatif. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui connaît plus et quelqu'un qui connaît moins. Mais pour le néophyte, pour celui qui n'y connaît rien, il débarque dans un monde où il voit des gens s'écharper autour de questions aussi existentielles que la version de la Traviata de 55 de Callas ou 58, et donc le pauvre qui est en marge de tout ça, il a l'impression d'un monde de fous, et finalement, souvent, ça peut lui donner envie de tourner les talons et d'aller réécouter un bon vieux Michael Jackson. C'est quoi la loi de Baumol ? Oh, ça c'est un truc très embêtant. C'est un truc d'économiste. Mais en fait, la loi de Baumol, c'est très sérieux. C'est une loi économique qui en fait part du principe que le spectacle vivant coûtera de plus en plus. Elle part pas du principe. Elle énonce le principe que le spectacle vivant coûtera de plus en plus cher parce qu'en fait, dans le spectacle vivant, ça nécessite de la masse des ressources humaines, des hommes, les techniciens, les chanteurs, l'orchestre, etc., le décor. Et ça, c'est incompressible. On peut pas s'en passer. Or, l'économie étant ce qu'elle est, le coût des salaires augmente, et donc ça veut dire que l'opéra, le coût d'un opéra est condamné à augmenter. On ne peut pas appliquer les méthodes qu'on a appliquées dans d'autres domaines, qui sont le taylorisme ou voilà. C'est grosso modo ça, si j'ai bien compris. L'économie, c'est pas ma spécialité. Vous dites que vous n'aimez pas trop l'opéra en disque, encore moins l'opéra retransmis au cinéma. Est-ce que ça fait de vous un puriste ? Oui, d'une certaine manière. Non, ça fait pas de moi. Oui, c'est une forme de purisme. C'est plutôt une forme. Vous savez, vous aimez peut-être pas trop le poisson en sauce. Vous préférez griller avec de l'huile d'olive. Voilà. C'est plus une façon de consommer l'opéra. C'est vrai. Mais je trouve que l'opéra au cinéma est quelque chose de très positif. Hein, je le condamne pas. Mais pour moi personnellement, c'est pas ma came, comme on dit. Mais est-ce que vous diriez qu'il y a un âge d'or ? Parce que vous dites que vous aimez Monteverdi, celui consacré comme l'inventeur du genre, mais vous semblez considérer le bel canto déjà plus ou moins superfétatoire, Métastase comme quelque chose de presque un peu déjà frelaté, c'est-à-dire l'opéra seria du XVIIIe siècle, ça laisse plus beaucoup de place à un opéra à une époque que vous trouveriez à peu près dans le... Mais après, j'arrive un peu à m'abstraire de mes goûts, hein, parce que justement, par exemple, Monteverdi, c'est un compositeur que j'apprécie pas particulièrement. Mais là encore, c'est moi. Hein. Ça ne veut pas dire que ce soit un mauvais compositeur, mais c'est vrai que les opéras de Monteverdi m'ennuient un peu. J'essaye, mais j'y arrive pas. Donc du coup, je prends certaines positions, j'observe certains regards qui ne sont pas forcément les miens, mais pour analyser certains phénomènes et pour essayer de les comprendre, les expliquer. Et donc Métastase, par exemple, puisqu'on en parle, hein, c'est donc ce fameux librettiste poète dont les poèmes ont servi de les livrer à tout un tas d'opéra seria. Et c'est vrai que, c'est bien, mais il y a peut-être, alors je n'ai même pas les chiffres, mais il y a peut-être plus de 100 ou 200 opéras qui s'appuient sur des livres de Métastase. Et finalement, on a toujours le même ressort dramatique, les mêmes histoires, les mêmes personnages mythologiques avec des ficelles très épaisses et puis des deus ex machina qui résolvent à la fin des situations qui semblaient inextricables. Voilà, au bout d'un moment, c'est un peu lassant. C'est ça que je pointe gentiment du doigt. En tout cas, vous vous exposez à des paradoxes parce que vous avez tendance à penser que les opéras contemporains sont systématiquement ratés et en même temps à vous plaindre que l'année moyenne de création des ouvrages les plus joués ne dévie pas des années 1840 depuis plus de 70 ans. Mais oui, parce que comme tout un chacun, je rêve, et moi, amateur d'opéra, mais encore plus les directeurs d'opéra, je rêve d'un nouveau Mozart. On se dit, tous ces compositeurs... d'opéra, hein, Mozart en est un, mais il y en a un certain nombre, tous ces compositeurs qui ont mis comme ça, qui ont écrit des chefs-d'œuvre, créé des chefs-d'œuvre, et puis soudain, le flux semble se tarir, et puis depuis les années 1900, alors la date symbolique c'est 1926, c'est Turandot de Puccini, l'année de création de Turandot de Puccini, donc depuis ces années-là, il y a très peu d'œuvres qui sont régulièrement rejouées, il y en a une dizaine, hein, peut-être en cherchant bien. Donc ça fait presque un siècle. En un siècle, on aurait 10 œuvres dans ce qu'on appelle le répertoire, alors que dans les siècles précédents, il y en a plus d'une centaine. Voilà. Donc c'est ce constat, et on se dit pourquoi il n'y a plus d'opéra contemporain qui arrive à s'inscrire à l'affiche durablement et qu'est-ce que ça serait bien s'il y en avait encore, si on agrandissait, si on élargissait ce répertoire. Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel. Thank you. Vos 100 mots de l'opéra, Christophe Rizou, s'ouvre sur une lettre, « Chère trompette d'Aïda ». Votre fanfare pourrait ne porter préjudice qu'à ce que d'aucuns abusés par le tintouin considèrent comme l'archétype de l'opéra, le dommage rejaillit sur le genre entier. C'est définitivement un volume sonore trop gros pour être honnêtement lyrique ? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, ces trompettes d'Aïda, elles ouvrent la grande scène triomphale de Radamès au deuxième acte d'Aïda, l'opéra de Verdi, et que cette grande scène monumentale, c'est avec des chœurs, avec des ballets, avec des solistes qui doivent s'époumoner parce qu'il y a un grand concertato avec qui demande les voix poussées au maximum. Donc cette espèce de monument, de scène monumentale, elle appelle des mises en scène monumentales. Et donc très naturellement, en plus comme c'est un péplum lyrique, donc très naturellement, on a essayé d'investir des scènes un peu originales. C'est comme ça qu'on a commencé à créer des festivals au Corrigis d'Orange ou à Vérone. Mais et Aïda est l'œuvre par excellence qui se prête bien à ces décors-là. Et donc on a commencé à sortir les opéras des théâtres pour les mettre dans des arènes, dans des lieux insolites. Et donc c'est un peu Aïda qui a été le déclencheur de ce mouvement-là. Alors c'est un mouvement très sympathique parce que écouter comme ça de la musique à la Belle Étoile quand il fait doux dehors, c'est énormément plaisant. Je m'interroge juste, est-ce que c'est de l'opéra ? Parce que très souvent, ça implique, alors c'est pas le cas à Vérone ou à Orange, mais ailleurs, ça implique de sonoriser les voix, parce que les voix, si on les met dans un théâtre, c'est que le théâtre est étudié pour qu'elles puissent se projeter naturellement, sans micro, et c'est là le bonheur de l'amateur d'opéra, celui qui aime les voix, c'est d'entendre une voix qui ne passe pas par le filtre déformant d'un micro, mais qui lui arrive pure à l'oreille, et ça, dans les espaces ouverts, c'est beaucoup plus difficile, même les arènes de Vérone ou même Orange, pour les avoir pratiquées, quand vous êtes assez loin, la voix, le volume de la voix est quand même faible. À vous lire, on est traversé par un certain nombre de dilemmes, alors je vais les soumettre. Premier dilemme, est-ce qu'il vaut mieux une Carmen sans les cigarières suite à des campagnes de prévention du tabagisme, ou une Carmen qu'on fait passer de victime à bourreau pour renverser la charge sexiste à la fin de l'ouvrage ? Entre deux mots, il faut ni l'une ni l'autre pour moi. Sans si je dois choisir, je préfère encore la Carmen sans cigarière parce que le ressort dramatique de l'ouvrage reste intact. Si vous transformez Carmen en assassin à la fin de qui tue donc Don José à la fin de l'opéra, là vous modifiez tellement le propos dramatique de Carmen que c'en est absurde. Si vous supprimez les cigarières, bon, c'est un élément de mais c'est pas un ressort dramatique de l'opéra. Deuxième dilemme, est-ce qu'il vaut mieux un pot pourri ou un crossover ? Il vaut mieux un bon crossover qu'un mauvais pot pourri. Mais ça marche pas à l'inverse en fait. Il ne peut pas y avoir de bon pot pourri ou... Il peut y avoir de bon pot pourri, il vaut mieux qu'un bon pot pourri qu'un mauvais crossover. Ah, quand même, ouais. Mais ce que je veux dire, un pot pourri, par pot pourri, je pense que vous entendez ces compilations hein, qu'on trouve au disque ou qui mélangent allègrement tout un tas d'air. Ça c'est très intéressant parce que ça permet souvent de connaître des airs, de découvrir des airs qu'on ne connaît pas. Ce qui se passe, c'est comme maintenant on enregistre des récitals depuis un demi-siècle à la fin et que malgré tout le public, le grand public aime bien écouter toujours les mêmes airs, donc les récitals finissent par tous se ressembler et il y a beaucoup de jeunes chanteurs qui quand ils enregistrent leur premier récital au disque, ils ne font que reprendre des airs qui ont déjà été enregistrés 1000 fois ou ils sont très bien mais où d'autres ont été aussi bien voire mieux. Donc c'est ça que j'appelle plutôt un mauvais pot pourri. C'est pas mauvais mais c'est plutôt un pot pourri qui serait pas très intéressant. Et en revanche un crossover quand il est bien fait, et j'ai en tête par exemple le Mariano d'Alagna, que moi j'avais beaucoup aimé. Ça, c'est très intéressant parce que ça donne un éclairage sur un autre artiste. En plus, Mariano était un grand artiste à mes yeux. Et finalement, j'aime mieux entendre, oui, un crossover comme le Mariano d'Alagna qu'un récital avec les grands airs de Verdi par ténor qu'on connaît tous par cœur et qui ont été enregistrés un millier de fois. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons ses fleurettes. Car au fond de mon âme, il n'est qu'une femme. C'est toi qui seras toujours mon seul amour. Troisième dilemme, est-ce qu'il vaut mieux un voisin qui tousse ou un voisin qui sent mauvais ? Dans les deux cas, de toute façon, ça fait partie de tout un tas de... Il y a une famille de mots qui concerne tout ce qui est... Comportement du public. Voilà, oui. Comportement du public. Et puis surtout la misophonie du lyricomane, à savoir son aversion pour tout ce qui est bruit. Donc, et il y a mille moyens de faire du bruit dans une salle, comme ailleurs, mais surtout dans une salle où le silence est d'or. Donc... Mais le tousseur est une espèce de récidiviste spontané, oui, puisque parce... il sort son bonbon pour la gorge qui lui-même fait du bruit. Et ah ouais, voilà, le tousseur, lui, il brasse plusieurs mots, parce que même parfois, il tousse tellement, ça arrive très fréquemment, vous avez dû le vivre, il tousse tellement qu'il décide de sortir de la salle pour ne plus déranger les gens, mais quelque part, en sortant, il dérange encore plus que quand il toussait, parce qu'il se lève, il fait claquer la porte, et en plus, comme les couloirs sont pas, les portes ne sont pas forcément insonorisées, enfin, donc on l'entend tousser encore dans le couloir. Parmi vos pastiches, vous avez revu l'ère des bijoux du Faust de Gounod. Ah, je pleure de vous voir près de moi vous asseoir. Non pas vous, gentes dames, mais non pas vous, vos bijoux font vraiment trop de rames d'âme. Bah oui, c'est là, en fait, là aussi, c'est quelque chose que tout le monde a vécu au moins une fois, voire beaucoup plus. C'est que quand vous avez une dame qui a pas mal de bijoux, et puis des créoles, des choses qui pendent un peu, et qui, durant tout le spectacle, hoche la tête ou bouge les mains, et à chaque fois, ça fait un petit bruit de castagnette, c'est au bout d'un moment très gênant. Et bien évidemment, dans cette idée de changer les formes et de faire des pastiches de temps en temps pour éviter de toujours utiliser le même style de texte, l'ère des bijoux s'est imposé pour pointer du doigt, pour stigmatiser ce petit travers qu'ont certaines dames avec leurs colliers et autres bracelets. Coïncidence, en 1963, Callas enregistre l'ère des bijoux, Salvagram à Paris, et les bijoux de la Castafiore de Hergé font un tabac. Et vous soupçonnez ce personnage de fiction qu'est la Castafiore d'être peut-être bien plus responsable que n'importe quelle vraie cantatrice de la célébrité de cette ère. Ah bah, c'est pas, je la soupçonne, je l'accuse. Si aujourd'hui quelqu'un. Mais d'ailleurs, même moi, quand j'étais enfant et que je connaissais connaissais pas, enfin, quand j'étais. Vous ne connaissiez pas l'opéra, vous connaissiez la question. Je ne connaissais pas l'opéra, je connaissais l'air des bijoux et je me l'imaginais parce que j'étais déjà. Enfin, j'ai aimé l'opéra très jeune, donc, mais je ne connaissais pas Faust et je ne connaissais pas l'air des bijoux. J'ai découvert le répertoire petit à petit, puisque je suis né à une époque où on n'avait pas Internet et on n'avait pas accès à tout un tas de musique aussi facilement. Donc, pour découvrir une œuvre, il fallait aller acheter le disque, soit la voir à la télé et ça passait un petit peu plus qu'aujourd'hui, mais quand même pas très souvent, ou alors il fallait acheter le disque. Donc, j'ai mis très longtemps à voir Faust de Gounod dans ma discothèque et pendant très longtemps j'ai fantasmé l'air des bijoux à partir de la Cassafiore. Et pour tout vous dire, j'étais très déçu quand j'ai entendu l'air des bijoux parce que dans ma tête c'était quelque chose de beaucoup plus spectaculaire que même si c'est vraiment pas facile à chanter et si très souvent les cantatrices omettent de faire ce petit tri sur le A à Jury et voilà qui fait partie du plaisir de l'air des bijoux. Et alors, la Castafiore aurait quand même elle-même un modèle réel qui serait Florence Foster Jenkins. Ouais, alors, moi je ne suis pas très tintinophile, donc là-dessus il y a tous les exégètes de Tintin qui sont capables de vous en parler pendant des heures. Il semblerait que oui, Foster Jenkins ait été un modèle. Beaucoup parlent de la grand-mère ou de l'arrière-grand-mère d'Hergé. La grand-mère, je crois, d'une tante d'Hergé, une de ses aïeules qui aimait l'opéra ou qui était cantatrice, je ne sais pas vraiment, mais qui aurait servi de modèle. On parle aussi de Callas, mais à tort. On a parlé, même on a vu quand Montserrat Caballé est décédé, il y a même une grande personnalité que je ne nommerai pas du monde musical qui a dit que en fait Caballé avait inspiré la Castafiore, alors que Caballé, comme tout le monde le sait, a commencé à devenir célèbre bien après que la Castafiore ait été inventée par Hergé. Mais on ne prête qu'aux riches. Quand on liste les mots de l'opéra, forcément, il y a une logique de surenchère, donc à chercher lequel peut bien être le pire. Et parmi ceux-là, vous en trouvez comme à foison sur Internet et sur YouTube, par exemple, quand vous cherchez aux Zitronicht, le premier air de La Reine de la Nuit, là, vous trouvez des versions improbables, mais pire encore, des collections. De chanteuses qui vont danser sur aiguë. Oui, oui, mais d'ailleurs, c'est très drôle d'explorer YouTube. Très drôle ou très triste, je ne sais pas. Après, ça dépend de ce qu'on recherche, parce que parfois, c'est un peu du voyeurisme de notre part, mais puis parce que ce qu'on voit, c'est un peu lamentable. Ça peut être des chanteurs qui n'ont pas du tout, enfin des apprentis chanteurs, hein, souvent ne sont même pas des professionnels, mais qui cessaient à chanter l'opéra et donc qui massacrent les airs plus qu'ils ne les chantent. Mais effectivement, sur YouTube a permis, alors avant l'arrivée de YouTube, tous ces gens qui chantaient sous leur douche, au pire, quand on était voisins, on les entendait, mais ça s'arrêtait là. Avec YouTube, maintenant, on peut les voir et les revoir. Et très souvent, comme il y a un certain, je parlais de voyeurisme, et puis c'est aussi, on peut trouver ça amusant. Donc ça circule dans tous les sens. Et donc, avec les réseaux sociaux, si vous arrivez à échapper à l'apprenti Reine de la Nuit, celui qui sifflote ou celle qui sifflote, je ne me souviens plus, là, la Reine de la Nuit, voilà, c'est que vous avez de la chance. Parmi les massacreurs que vous épinglez, il y a quand même les metteurs en scène. Alors, ça, c'est un vaste sujet. Quand on ouvre le sujet de la mise en scène, d'ailleurs, il y a plusieurs entrées qui tournent autour de ça dans le bouquin, parce que le sujet de la mise en scène, et le débat autour de la mise en scène d'opéra, c'est un débat actuel qui est provoqué en fait par, on en parlait tout à l'heure, cet appauvrissement de la création, enfin appauvrissement de la création non, parce qu'il y a toujours des opéras créés. Parce que pour vous, la mise en scène, c'est déjà presque un pansement à ce qui serait une uniformisation du répertoire. C'est-à-dire, puisqu'on en est à notre millième flûte enchantée, faut-il au moins changer le décor. Mais enfin, pour moi, c'est exactement ça. C'est comme maintenant, on tourne toujours avec les mêmes titres, il y a un moment, on décide de les représenter autrement, parce que sinon, ça devient de la répétition et de la répétition et l'ennui. Sauf qu'en fait, on n'est pas tous à égalité. Il y en a qui ont vu mille fois la flûte enchantée, il y en a qui vont juste pour la première fois. Donc celui qui l'a vu mille fois la flûte enchantée sera ravi de découvrir qu'elle se passe dans la lune ou dans un jardin ou dans le jardin d'Alice au Pays des Merveilles. Celui qui la voit pour la première fois, au contraire, risque d'être très déçu parce que lui, il a une représentation mentale de la flûte enchantée avec ses images à lui et des images plutôt traditionnelles. Et là, il risque de tomber de haut. Mais alors là, il y a une tension permanente, c'est-à-dire qu'on accuse les mises en scène qui, justement, seraient anti-conformistes de sortir trop de l'uniformisation, sauf que vous en prenez aussi aux recettes et à tous ces tics de langage de metteur en scène, avec par exemple une page sur l'escalier, qui est une façon de faire mise en scène avec peu d'inventivité. Bah, en fait, on remarque qu'il y a des modes. Alors, il y a des modes aussi pour les titres, hein. Il y a des titres d'opéra qui, tout d'un coup, sont à la mode et sont affichés dans 4-5 théâtres en même temps dans le monde, alors que ça faisait 10 ans qu'on ne les avait pas joués. Donc il y a des modes pour les titres, et puis il y a des modes aussi au niveau de la mise en scène. La mise en scène, c'est un art en soi-même, et la représentation d'opéra, l'art de la représentation d'opéra évolue. Et effectivement, il y a des périodes avec des tics. Alors les escaliers, ça commence un peu à passer, mais c'est vrai que l'escalier, c'est un gros inconvénient, c'est que c'est fatigant, parce qu'il faut le monter, le descendre, on risque de se casser la figure et de se tordre une cheville, et c'est arrivé à plein d'artistes, malheureusement. Et puis, on s'essouffle à monter et descendre l'escalier. Mais il y en a d'autres, il y a eu Marilyn, hein, qui a été un tic, on l'a vu beaucoup. Alors maintenant, je pense que quand un metteur en scène pense au travail qu'il va réaliser autour d'une œuvre, ben, il écarte Marilyn parce qu'on l'a un peu trop vu. Et puis il y a la nudité. Alors la nudité, ça c'est aussi un tic de langage, mais je dirais que c'est moins une mode, parce que la nudité, elle apparaît effectivement tardivement dans l'histoire de l'opéra. Moi, je me suis pas penché outre, parce que le sujet est pas si passionnant, mais j'ai référencé, je crois, dans les années 70, une Thaïs qui chantait... En 73, Carole Néblette. Ouais. Voilà, qui s'était un peu déshabillée pour Thaïs. Aujourd'hui, c'est un peu une habitude, c'est rare de voir une mise en scène d'opéra sans figurant, voire sans interprète nu. Vous préférez l'air de la calomnie en italien, surtitré ou en français ? Ben en italien. Alors après, ça dépend, parce que le Barbier de Séville, ça fait partie d'une... C'est une œuvre qui a été créée en français du temps de Rossini, et alors qui a été d'abord évidemment créée en italien à Rome. Avec la traduction de Castilblaze. Oui, voilà. Et donc du coup, à ce titre-là, ça peut être très intéressant d'écouter l'air de la calomnie dans cette version d'origine, parce qu'elle est historique. Et par Serge Lama ? Par Serge Lama, non. Mais je crois... Il l'a chanté, l'air de la calomnie, Serge Lama ? Ah, je ne savais pas. Et l'on voit le pauvre diable menacé comme un coupable sous cet arbre. Redoutable, tomber, tomber. Et puis, il y a des exagérations qui viennent du public. Vous vous plaignez aussi bien des cabales historiques qui apparaissent selon les travaux de Martial Poisson dans les années 1870-1880 que des tweets ravageurs qui essayent de faire le scandale. Oui, mais le tweet... Alors, il y a le tweet, je ne sais pas s'il cherche à faire le scandale. Il le véhicule. C'est-à-dire qu'en fait, avant Twitter, avant les réseaux sociaux, je pointe Twitter du doigt parce que c'est un réseau social que je connais bien et puis parce que c'est un des plus utilisés. Mais avant les réseaux sociaux, un chanteur qui faisait un couac à New York, on n'en entendait jamais parler de ce côté de l'Atlantique. Aujourd'hui... À peine le couac est fait, que déjà, il y en a un qui a réussi à le filmer. Alors bon, bien qu'il soit interdit de filmer la représentation, ou s'il ne l'a pas filmé, déjà, il a filmé les huées qui ont accueilli ce pauvre chanteur qui avait fait ce malheureux couac. Et donc, du coup, le chanteur se retrouve tout d'un coup, aux yeux du grand public, son forfait est mis à jour et dévoilé dans le monde entier en quelques minutes. Et ça, je pense que pour un artiste, c'est une pression terrible. Et ça, je pense que ça nuit à sa liberté de chanter, parce que évidemment, on a moins envie de prendre de risques. Et le plaisir de l'auditeur réside aussi dans le risque que prend parfois l'interprète pour faire des choses. Alors quand il y arrive, le plaisir est décuplé, mais même quand il le rate, parfois, sentir un artiste qui a voulu exprimer quelque chose et qui s'est mis en danger, ça fait partie du plaisir de l'amateur d'opéra. Donc pour vous, à cause des réseaux sociaux, le public a pris trop de pouvoir? Oui, je pense que les réseaux sociaux... Alors, les réseaux sociaux ont du bon parce que ça permet d'avoir comme ça des impressions... Ça permet d'élargir la communauté des amateurs d'opéra. Avant, on se connaissait autour d'un théâtre. Maintenant, on se connaît dans le monde entier. Hein, donc ça, c'est très bien. Mais après, je pense que ça n'a pas que du bon parce que ce qui avant tenait de lieu de conversation de bistrot, maintenant, c'est des conversations publiques. Et je pense que ces conversations, elles n'ont pas toujours les bons filtres. Et pour certains artistes, et c'est arrivé, hein, certains artistes qui ont lu des choses épouvantables sur eux, qui circulent comme ça sans mettre les précautions qui s'imposent et qui doivent après surmonter ces mots très durs et continuer à chanter, sachant que chanter, c'est quand même pas quelque chose d'évident. Merci beaucoup, Christophe Rizou. On peut lire donc vos 100 mots de l'opéra publié par les Papiers Musique dans la nouvelle collection Via Appia. Oui, collection Via Appia. Juste deux mots sur Via Appia, parce que c'est une nouvelle collection et qui démarre avec 3 titres, donc qui a pour vocation de porter un regard sur la musique aujourd'hui. Donc les 2 autres titres, c'est un titre de Sylvain Faure, qui est très connu par ailleurs, qui a écrit dans le milieu musical, qui a écrit un bouquin sur Puccini, même 2, je crois. Un autre sur Karajan, donc c'est son livre In Memoriam, qui parle des grandes voix du XXe siècle qui se sont éteintes. Et puis, il y a un ouvrage d'André Tubeuf, qui est également aussi très connu des amateurs d'opéra et au-delà, et des amateurs de musique et au-delà, et qui parle de Mozart. Mozart, le visiteur. Merci beaucoup. Et puis, si vous voulez réécouter le début de l'émission, si vous l'avez raté, vous pouvez vous rendre sur metaclassique.com. Suffocant et blême quand sonne.